À l'occasion de la Journée du Soleil, le président du comité central du Parti Socialiste National Uni du Népal, Kamal Prasad Chaulagain, a fait parvenir un présent au dirigeant suprême Kim Jong-un. Le secrétaire général du comité central du Parti Socialiste National Uni du Népal, Sankor Lal Shrestha, chef de la délégation du dit parti en séjour en Corée, l'a transmis le 19 courant à Ri Soo-yong, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée.